Le dernier point de l'appel concerne la circulaire Guéant et une demande d'abrogation de cette circulaire. Avant de parler de la situation dramatique des étudiants étrangers aujourd'hui dans nos universités, je crois que pour illustrer en quelque sorte ce que Michel vient de dire, il y a aujourd'hui une paupérisation dramatique des étudiants. J'estime que 20% de mes étudiants ne mangent pas à leur faim aujourd'hui. C'est vrai. Ils font un repas par jour. On ne le voit pas suffisamment, on ne le dit pas suffisamment. Il faut revoir tout le système d'aide, de bourse. Il n'est pas digne d'un pays qui se prétend civilisé. Les étudiants étrangers, ce n'est pas un dossier. Ce n'est pas un point numéro 10 dans une liste. Il aurait pu être numéro 1. Peut-être qu'il aurait dû être numéro un. C'est une question humanitaire. Aujourd'hui, les préfectures appliquent, avec un zèle redoublé en raison du contexte électoral, une politique d'exclusion et d'expulsion. Université de Strasbourg, 16 OQTF, obligation de quitter le territoire français depuis début janvier. Je fais des calculs par rapport à la moyenne d'OQTF 2011. On multiplie exactement par 2,4 le rythme mensuel des expulsions depuis début janvier. C'est honteux, c'est absolument honteux. On donne des moyens financiers considérables, c'est de l'argent du contribuable, aux préfectures, à la PAF, à la police de l'air et des frontières, des moyens qui, bien évidemment, pourraient être utilisés pour aider et soutenir les étudiants étrangers dans nos établissements et nos universités. Les étudiants étrangers subissent une double peine. Pour pouvoir entrer sur le territoire français, ils doivent justifier de revenus annuels supérieurs à 7 000 euros. Est-ce qu'on demande à un étudiant français de justifier d'un tel revenu ? Ils n'ont plus le droit de redoubler. Est-ce qu'on interdit aux étudiants français le redoublement dans nos établissements ? Ils n'ont plus le droit de se réorienter. La préfecture du Bas-Rhin, au prétexte de réorientation, interdit à des étudiants régulièrement inscrits à l'université qui ont payé leur droit d'inscription, qui ont fait des efforts financiers considérables pour pouvoir venir étudier en France, leur interdit d'achever leur année universitaire. Les expulsions ont lieu en cours d'année. C'est inadmissible. Il y a une demande élémentaire qui devrait être accepté par n'importe quel pouvoir politique, une carte d'étudiant de la durée du diplôme. Une carte d'étudiant de la durée du diplôme, c'est une évidence. Il y a aussi une incidence sur la démocratie universitaire, et qui passe inaperçue. Ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que les préfectures s'arrogent le droit de définir les critères académiques et pédagogiques qui permettent d'inscrire ou non un étudiant à l'université. Or, ce n'est sûrement pas des services préfectoraux de se substituer à des commissions de pédagogie, aux enseignants-chercheurs des universités qui statuent librement, efficacement, avec, contrairement à ce qu'on dit ou ce que prétendent certains, il y aurait du laxisme. Mais lorsqu'un État donne la possibilité à ces préfectures de dire tel ou tel étudiant a le droit d'être inscrit dans une université, qu'est-ce qu'il devient ? Comment on appelle ce type de régime politique ? Je ne parle même pas de l'image que ça peut avoir sur nos établissements à l'étranger. Je dirais que cette question d'image que mettent en avant certains présidents d'université pour prendre position contre est une position qui est évidemment insuffisante. Le premier critère, à mon sens, est aujourd'hui celui de l'universalité du savoir qu'il faut défendre et qu'il faut sans cesse réaffirmer, et aussi un critère humanitaire. Il nous faut absolument défendre et redéfendre dans notre pays les droits de l'homme que le pouvoir politique actuel ne cesse de remettre en cause.